بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا قبل قليل عن أعظم سورة في القرآن، فتكلمنا قليلا عن بيان فضلها ومكانتها وشأنها العظيم، وتطرقنا لبعض المقدمات المتعلقة بهذه السورة على وجه الاختصار، ثم شرعنا في الكلام على بعض المعاني التي تتضمنها آيات هذه السورة العظيمة، ألا وهي سورة الفاتحة. ونواصل إن شاء الله سائلين الله تبارك وتعالى التيسير والتوفيق، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقرأنا قبل ذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فيقول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا أسلوب معروف عند العرب، وهو الحصر. فتلاحظون أن الله تبارك وتعالى قال: إياك نعبد، فتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. فلا نقرأ مثلا نعبدك، وإنما نقرأ إياك نعبد، فهذا يفيد الحصر، بمعنى أنك لا تعبد إلا الله تبارك وتعالى. فلو قال قائل مثلا وهو يخاطب الله تبارك وتعالى: نعبدك، هذا لا ينفي أن يعبد غيره سبحانه وتعالى. أما قوله إياك نعبد، هذا يفيد الحصر، وهذا المعنى مطابق لكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، المتضمنة النفي والإثبات، تنفي من جهة وتثبت من جهة أخرى، تنفي استحقاق العبادة لغير الله، وتثبيت استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، وهذا أبلغ. ففرق بين أن تقول مثلا زيد قائم، وبين أن تقول لا قائم إلا زيد. إنك لو قلت زيد قائم، هذا لا ينفي أن يكون عمرا أو أحمد أو زيدا أو معذرة، ولا نقول زيدا آخر، أو مثلا بكرا قائمين، هذا لا ينفي. أما إذا قلت لا قائم إلا زيد، فبمعنى أن الزيد هو القائم وغيره غير قائمين، فبكر وعمر وغيرهم قاعدون أو جالسون إلى آخره. فكذلك في كلمة التوحيد وهي أعظم وأعظم، لا إله إلا الله، تنفي من جهة استحقاق العبادة لغير الله وتثبته لله تبارك وتعالى، وهذا مطابق لما جاء في سورة الفاتحة إياك نعبد. وتجد النفي والإثبات كثيرا في الكتاب والسنة، تجده كثيرا، وهو أسلوب بليغ جدا. العبادة ما هي؟ عرفها أهل العلم بتعريفات كثيرة، وأجمعها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المعروف، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ثم ذكر أمثلة فقال، ونذكرها لبيان تعدد هذه العبادات وكثرتها، فالصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أركان الإسلام بزيادة إلى شهادتين. ولكن العبادة لا تقتصر على هذه الأركان، بل نزيد، والصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادات لله. وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل، فقال تعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقد مر ذكر بعض أنواعها، ويكفي ذلك ليتبين لنا كثرتها. فهذا هو العبادة. من بين هذه الأنواع، أنواع العبادة، نجد الاستعانة. فالاستعانة عبادة جليلة تستعين بالله تبارك وتعالى على شؤونك. لكن الله تبارك وتعالى ذكر هذا النوع وعطفه على العبادة. فقد يتساءل البعض فيقول، لماذا ذكر الله تبارك وتعالى العبادة ثم عطف عليها شيئا هو من العبادة نفسه. فالجواب أن هذا الأسلوب أسلوب عربي معروف، وهو عطف الخاص على العام للتنبيه على أهميته، عطف الخاص على العام للتنبيه على أهميته. وفائدة ذلك في هذا المقام أن المرء الذي يريد أن يحقق العبادة لله تبارك وتعالى لا بد وأن يعرف أنه لن ينال ذلك إلا بعون من الله تبارك وتعالى، فلا بد من أن يستعين بالله تبارك وتعالى لتحقيق عبادته جل جلاله. فالعبادة هي الغاية، أليس كذلك؟ يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الإنس والجن العبادة. ففي هذه الآية العبادة هي الغاية، وأما الاستعانة فهي الوسيلة المعينة لتحقيق هذه الغاية التي هي عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده بالعبادة جل جلاله. فحصول العون من الله تبارك وتعالى أمر مهم جدا، وكما قيل: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، يعني هو أول ما يوقعه في الهلاك اجتهاده هو بدون حاجة إلى غيره. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. وهذه الآية فيها من الفوائد الشيء الكثير، وقد رأيتم هذا الكتاب الضخم لإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي هو مدارج السالكين، وأريكم إياه مرة أخرى، هذا الكتاب الضخم، مع أن هذه الطباعة نعم مضغوطة وبخط صغير، لكنه كله في بيان معاني إياك نعبد وإياك نستعين، وهو من تأليف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه الآية آية ذات فوائد كثيرة وغزيرة، من فوائدها أنها تعين على إخراع القلب من الرياء، أو إخراع الرياء من القلب بتعبير أدق، ذلك أن العبد يقرأ إياك نعبد فلا تنصرف همته ولا يبتغي غير وجه الله تبارك وتعالى، فهذا يذهب من قلبه الرياء والسمعة وإرادة غير وجه الله تبارك وتعالى، ففيه الإخلاص، ويذهب كذلك من قلبه أن يعمل للدنيا بعمل الآخرة كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، يصرف عبادته لله فلا يصرفها لغيره جل جلاله، ولكن لا يبتغي بذلك ثواب الله في الآخرة، وإنما يريد بذلك غرضا من الدنيا. يعرف مثلا أن الذي يلتزم بعبادة الله تبارك وتعالى ويمتثل أوامر الله ويجتنب النواهي يعرف أنه سيعيش حياة طيبة، يعرف ذلك بتجربة، هو على يقين من ذلك، فيبحث ويقصد بعبادته عن هذا، وليس له وليس في قلبه شيء من إرادة الآخرة، من إرادة ثواب الله، فيعمل بعمل الآخرة للدنيا. أما هذه الآية فهي تذهب من القلب هذه الأمور كلها، إذا كان المرء يقرأها ويفهم معانيها ويتدبرها ويتبع علمه بعمل، فعندئذ يستفيد منها هذه الفائدة العظيمة بأن تذهب من قلبه الرياء والسمعة وهذه الأمور المخزية والعياذ بالله. وهذه الآية كذلك تذهب من قلب الإنسان الكبر، وذلك بقوله سبحانه وتعالى وإياك نستعين، لأن العبد إذا استشعر حاجته إلى الله تبارك وتعالى وطلب منه العون فهذا يعينه على ماذا؟ على أن يبتعد من الكبر، على أن يشعر بحاجته إلى الله تبارك وتعالى، فيذهب من قلبه هذا الخلق الذميم الذي هو الكبر والعياذ بالله. فهذه الآية فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومعنى الإخلاص أن تبتغي وجه الله والدار الآخرة، تبتغي وجه الله والدار الآخرة، هذا هو معنى الإخلاص. والإخلاص هو أحد شرطي قبول العمل، فإن العمل حتى يكون مقبولا لا بد له من شرطين اثنين بزيادة إلى شرط الإسلام طبعا، الشرط الأول الإخلاص، أن تبتغي بعملك وجه الله والدار الآخرة، والشرط الثاني وسيأتي قريبا إن شاء الله هو المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers frères, on a pu aborder durant l'assise précédente, d'avant la prière del Maghreb, certains points relatifs au mérite de la sourate d'Al-Fatiha. On a vu que c'était la sourate la plus éminente. On a vu ensemble certains de ses noms. On a parlé du nombre de ses versets. On a parlé également de certains sens contenus dans les premiers versets que nous avons lus à partir de Alhamdulillahi Rabbil Alameen jusqu'à Maliki Yawmiddin. Louange à Allah Seigneur des mondes jusqu'à maître du jour de la rétribution. On a abordé donc certains points liés à ces quelques versets. Et on en est arrivé donc au quatrième verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dont la traduction approximative du sens sera c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Ici, nous retrouvons dans Iyyaka na'bud une notion de restriction. Du fait que le terme Iyyaka est mentionné avant le verbe na'bud. Ce qui correspond en français, donc, c'est toi seul que nous adorons. On remarque ici que nous ne disons pas na'buduk, c'est où nous t'adorons. C'est plus fort que ça, c'est une restriction. C'est toi seul que nous adorons. Cette restriction-là, elle est due au fait que Iyyaka, il a été mentionné avant na'bud. Et qu'au lieu de dire na'buduk, nous trouvons Iyyaka na'bud. Il y a donc une notion de restriction là-dedans. Ce qui rejoint le sens de l'emblème du tawhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah, ça signifie nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et ça contient une négation suivie d'une affirmation. La négation, c'est le fait de nier le fait qu'autre qu'Allah mérite une quelconque adoration. Cette négation est suivie d'une affirmation qui consiste à affirmer qu'Allah est le seul à mériter l'adoration. Et cela est plus fort que si tu disais, par exemple, Allah mérite d'être adoré. Car si quelqu'un venait à dire Allah mérite d'être adoré, ça ne nierait pas forcément le fait qu'autre que lui le mérite. Or, nous disons La ilaha illallah, nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Prenons un exemple. Tu dis Zayd est debout. Ça ne veut pas dire que Amr, que Bakr et que Ahmed sont assis. Ça veut juste dire que Zayd est debout. Par contre, si tu dis personne n'est debout sauf Zayd, ça veut bien dire qu'il n'y a que Zayd qui est debout. Naam. Et c'est ça donc la différence entre les deux manières de se prononcer. Et bien sûr, l'exemple de la ilaha illallah est bien plus grand que cet exemple tout à fait banal qu'on a cité. Cet exemple-là, on l'a juste cité pour faire comprendre, pour simplifier la compréhension de ce sujet. Donc tu retrouves dans Iyyaka na'bud cette restriction que tu retrouves également dans la ilaha illallah. Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. Ce qui nous envoie donc au principe d'adoration, au principe d'al-ibada. Et al-ibada, ça a été défini par les ulama de nombreuses manières qui se rejoignent. Et la définition la plus précise, ou parmi les définitions les plus précises, tu as celle du shir de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui a dit que l'adoration, c'est un nom, un terme générique qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole et acte apparent ou caché. Un terme générique qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole et acte apparent ou caché. Et il a continué en mentionnant bon nombre d'adorations, sans prétendre la restriction, mais pour montrer donc la diversité des adorations et leur grand nombre. C'est ainsi qu'il a dit, et je vais quelque peu résumer, c'est ainsi que la prière, l'aumône obligatoire, le zakat, le jeûne, le pèlerinage, donc ici il a cité des piliers de l'islam en plus de la double attestation de foi. Et il en a cité beaucoup d'autres, de types d'adoration, pour montrer que contrairement à ce que certaines personnes pensent, l'adoration elle n'est pas limitée aux cinq piliers de l'islam. C'est pour ça qu'il a cité la véracité dans la parole, la fidélité, la bonté parentale, l'entretien des liens de parenté, le respect des engagements, le fait d'ordonner le bien, le fait de réprouver le mal. Et il a cité donc de nombreuses autres adorations, le fait d'être bienfaisant envers le voisin, l'orphelin, le pauvre, celui qui est détenu, qu'il fasse partie des êtres humains, ou qu'il fasse même partie des animaux, le fait d'invoquer, donc l'invocation, le fait de faire mention du nom d'Allah, le fait de lire, et ainsi de suite, parmi les exemples qui font tous partie de l'adoration. Et également, le fait d'aimer Allah et son messager, le fait de craindre Allah, le fait de revenir repentant vers lui, le fait d'être sincère vis-à-vis de lui, et de lui vouer exclusivement le culte, le fait d'être endurant face aux décrets d'Allah, d'être reconnaissant par rapport à ses bienfaits, le fait d'accepter ses différents décrets, le fait de s'en remettre à lui, en ayant confiance en lui, le fait d'espérer sa miséricorde, le fait d'avoir peur de son châtiment, et ainsi de suite, parmi des exemples qui font tous partie également de l'adoration d'Allah. Et ensuite donc, il a continué en rappelant à quoi correspond l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces types d'adoration, nous trouvons la demande d'aide, al-isti'ana, que nous retrouvons dans la deuxième partie de ce verset, lorsque nous lisons « Wa iyyaka nasta'in » et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. C'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Une question peut se poser, à savoir, étant donné qu'il est établi que la demande d'aide est une forme d'adoration, le fait d'implorer l'aide est une forme d'adoration. Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné à nouveau alors qu'il avait déjà mentionné l'adoration juste avant dans le même verset, et qu'au final le fait d'implorer l'aide s'est compris dans l'adoration? La réponse à cela, comme l'ont dit les ulama, c'est qu'en vérité ça consiste à faire suivre quelque chose de général par quelque chose de particulier qui en fait partie afin de montrer son importance. Le fait de faire suivre quelque chose de général par quelque chose de particulier qui en fait partie afin de mettre en évidence son importance. Donc certes, le fait d'implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala est une forme d'adoration. Mais du fait de son importance, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mentionné dans le même verset, lequel il a mentionné l'adoration, afin d'attirer l'attention vers l'importance du fait d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous accorde son aide. Et ce qui est voulu par là, c'est faire comprendre aux serviteurs qu'ils ne pourront en vérité concrétiser le but qui est mentionné dans ce verset, à savoir l'adoration, ce but que nous retrouvons dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Wa ma khalaqtu al-jinna wal-ins illa liya'budun » et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc la sagesse qui réside dans la création des djinns et des hommes, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce but à atteindre, tu ne peux l'atteindre qu'en bénéficiant de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le fait de lui implorer l'aide afin de pouvoir concrétiser l'objectif. Donc l'adoration qui est mentionnée au début du verset, c'est l'objectif à atteindre, et l'aide que tu implores à Allah, c'est le moyen d'arriver à ce but que tu vises. Et il faut que tu saches que si tu ne bénéficies pas de l'aide d'Allah, alors ce sera là la perdition. إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ اللَّهِ عَوْنٌ لِلْفَتَى فَأَوَّلُ مَا يَقْضِي عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ. Et si l'individu ne bénéficie pas d'une aide venant d'Allah, alors la première chose qui va causer sa perte, ce sont ses propres efforts. Pour ça que nous demandons à Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans certaines invocations, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ayn. Ô Allah, c'est ta miséricorde que j'espère. Ne me laisse pas abandonner à ma propre âme, ne serait-ce que l'espace d'un clin d'œil. Car le fait d'être délaissé à sa propre âme, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil, c'est ce qu'on appelle al-khudlan. Le fait d'être délaissé par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela donc que la demande d'aide est mentionnée après l'adoration dans le même verset alors qu'elle en fait partie. Parmi les bénéfices de ce verset, des éminents bénéfices spirituels et plus que spirituels en vérité. En effet, celui qui lira ce verset en le comprenant, en le méditant et en cherchant à tirer profit de sa lecture et de sa méditation, et également en cherchant à œuvrer parce que cela implique, il verra par permission d'Allah, l'ostentation sortir de son cœur, étant donné qu'il affirme et qu'il proclame en s'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi seul que nous adorons. Donc ça fait sortir de son cœur toute duplicité, toute ostentation, le fait de rechercher l'agrément d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, une chose très dangereuse que bon nombre de personnes négligent, voire ignorent. Le fait que la personne, elle présente des œuvres relatives à l'au-delà, et il y a des bonnes actions. Elles sont conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elles ne sont pas vouées à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est que tu trouves que la personne, elle n'ambitionne pas par son acte d'obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et c'est ainsi qu'elle tombe dans ce qu'on appelle le fait de rechercher ce bas monde en œuvrant par des œuvres de l'au-delà. Qu'Allah nous en préserve. Or, le croyant, il se doit d'œuvrer sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et cette sincérité, elle inclut deux choses. Le fait de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de chercher sa récompense dans l'au-delà. Car il y a des gens qu'Allah nous en préserve, qui font des bonnes actions parce qu'ils savent que le fait d'être en conformité avec les ordres d'Allah et de s'écarter de la désobéissance d'Allah, ça permet d'avoir une bonne vie dans ce bas monde. Et ils savent que la personne qui agira ainsi mènera une vie paisible, même si elle est tourmentée par certaines épreuves. Et donc il œuvre pour cela et il en oublie l'au-delà. C'est ainsi que son œuvre, en vérité, elle n'a pour but dans son cœur que d'obtenir un bienfait de ce bas monde, qu'Allah nous en préserve. Et il n'ambitionne rien par cela, le fait d'obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. C'est ainsi que nous disons, et nous allons y revenir inshallah, que ce verset, il établit et il incite à la sincérité du culte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons expliqué ce que cela implique. Également, parmi les bénéfices à tirer de notre lecture, de notre méditation de ce verset, le fait que ça va contribuer à chasser du cœur sentiment d'orgueil. Car l'orgueilleux, il n'estime pas, il ne pense pas avoir besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or là, celui qui lit cette sourate, celui qui lit ce verset, il proclame, et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide, ce qui a pour but donc de chasser de son cœur sentiment d'orgueil qui fait partie des grands péchés qu'Allah nous en préserve. Donc nous avons retrouvé ici, dans ce verset, l'importance de la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui constitue une des deux conditions de l'acceptation des œuvres. La première de ces deux conditions, c'est donc la sincérité vis-à-vis d'Allah, dans le sens où, quand tu œuvres, tu ne cherches par là que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa récompense dans l'au-delà. Et la deuxième des conditions, c'est la conformité à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ba'da dhalik, نقرأ قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم فهذا دعاء. لذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينبغي أن ينبه عامة المسلمين على أنهم إذا قرأوا سورة الفاتحة فإنهم يدعون الله تبارك وتعالى. فأنت عند قراءتك لسورة الفاتحة تدعو ربك جل في علاه. وفي الحقيقة هذه السورة كلها دعاء، لأن الدعاء نوعان، الدعاء نوعان، دعاء عبادة وهو الثناء على الله تبارك وتعالى، وأنت حينما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، هذا الثناء وهو دعاء عبادة. وحينما تقرأ الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي، فهذا ثناء وهذا دعاء عبادة. وحينما تقول مالك يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى مجدني عبدي، هذا ثناء آخر فهو دعاء عبادة. فأنت دائما كذلك حينما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد، وهذا كذلك من الثناء على الله، هذا دعاء عبادة من باب أولى. ثم تأتي إلى نوع آخر من نوعي الدعاء، وهو دعاء المسألة. ودعاء المسألة هو أن تسأل، وهنا تسأل الله تبارك وتعالى الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا بمعنى دلنا وأرشدنا ووفقنا للهدى. فإن الهداية نوعان، الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد، هذا النوع الأول، وهداية التوفيق، وهذا النوع الثاني. هداية الإرشاد جعلها الله تبارك وتعالى لكل أحد. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. المقصود بالهداية في هذه الآية هداية الدلالة والإرشاد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدل إلى الطريق ويرشد إليها. وأما النوع الثاني وهو هداية التوفيق فهذا نوع خاص لله تبارك وتعالى، وقد نفاه عن غيره حتى عن أحسن وخير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى يقول: إنك لا تهدي من أحببت. فالمنفي هنا هداية التوفيق، فإن هذا بيد الله تبارك وتعالى. أما في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم فالمقصود الهدايتين، فالمقصود الهدايتان. تسأل الله تبارك وتعالى أن يدلك إلى الطريق وأن يرشدك إليها، وتسأله التوفيق لسلوك هذا الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. Le cinquième verset, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Ihdina al-sirat al-mustaqim »« Guide-nous sur le droit chemin »« Guide-nous sur le droit chemin » Et c'est là donc une invocation. Et c'est dans ce sens que le cheikh de l'islam Mohammed ibn Abdel Wahhab disait, « Rahimahullah ta'ala, il est impératif d'attirer l'attention du commun des musulmans vers le fait que lorsqu'ils lisent la sourate d'Al-Fatiha, ils sont en train d'invoquer Allah. Et en vérité, tu l'invoques dans ta lecture de l'ensemble de cette sourate. Car il faut savoir que l'invocation est de deux sortes. Une invocation d'adoration et une invocation de requête et de demande. L'invocation d'adoration, ça consiste à faire les éloges d'Allah. Et c'est le cas lorsque tu lis Alhamdulillahi Rabbil Alameen, louange à Allah, Seigneur des mondes. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. À chaque fois, tu es en train de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu lis le premier verset, Allah y répond: Mon Seigneur a fait ma louange. Lorsque tu lis le second, il répond: Mon Seigneur a fait mes éloges. Lorsque tu lis le troisième, il répond subhanahu wa ta'ala: Mon serviteur. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah. Barakallahu fikoum. Mon serviteur. Allah dit donc, lorsque le serviteur lit le premier verset, Allah dit: Mon serviteur m'a adressé les louanges. Lorsque le serviteur lit le deuxième verset, Allah répond: Mon serviteur a fait mes éloges. Lorsque le serviteur lit le troisième, Allah répond: Mon serviteur m'a glorifié. Et donc dans tout cela, tu es en train d'invoquer Allah dans le sens que tu es en train de faire ses éloges. Et c'est ce qu'on appelle donc une invocation d'adoration. Également lorsque tu dis: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Car ici tu es en train de proclamer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui compte donc parmi les éloges que tu lui adresses et qui compte donc parmi les adorations que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu en viens à une autre sorte d'invocation, à savoir l'invocation de demande et de requête. Quand tu dis à Allah: guide-nous sur le droit chemin. Guide-nous ici, ça veut dire oriente-nous, montre-nous le droit chemin et assiste-nous afin que nous l'empruntions. Et il faut savoir que la guider, elle est de deux sortes. Et on va terminer par ça, Inch'Allah. une guidée, c'est là la première sorte, une guidée d'orientation. Et la deuxième sorte, c'est une guidée d'assistance afin d'emprunter le droit chemin. Le premier type de guidée, Allah subhanahu wa ta'ala l'a attribué à ses créatures. C'est le cas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit en s'adressant à lui, « Wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim » et tu guides certes et orientes vers un chemin droit. Par contre, le deuxième type de guidée, la guidée d'assistance afin de suivre, d'emprunter le chemin de la droiture, ça n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a nié cela à ses créatures, même le meilleur d'entre elles, à savoir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il a dit « Innaka la tahdi man ahbabt » Tu ne guides pas qui tu aimes. Et ce qui est nié ici, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse guider dans le sens où il puisse faire de la personne quelqu'un qui emprunte le droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il détenait uniquement le fait de guider et d'orienter, et à plus forte raison, ceux qui sont en dessous de lui dans le mérite sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons donc retrouvé ici les deux types de guidés. On va s'en tenir à ça, à moins qu'on ait la possibilité après l'adhan. On est après l'Aïcha ? Moi, j'ai pas de problème. Je peux même aller jusqu'à... C'était juste qu'on avait annoncé jusqu'à l'Aïcha. Mais si vous voulez qu'on continue après l'Aïcha, avec l'accord, bien sûr, des responsables. Taïb, on s'en tient à ça. On s'en tient à ça. Au cinquième verset, qui nous manque donc de terminer le cinquième verset. Et ensuite, on discute ensemble de la suite à donner aux choses. Inch'Allah. والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين